بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين de dynamite autour de la taille ou celle de cuir et de mythe à la pose massale. Tout est prêt, l'heure de pointe gratuite, aveugle, massive. Tout est prêt, l'heure qui suinte, excite, bug, jouissive. On sacrifie son honneur, enfin caressé du majeur, le marbre du créateur, le soleil et la coupe et le cœur. Il faudra ravaler sa peur, quitter ses bonheurs, vouloir sa gueule au bâtard. Enfin caresser du majeur, le soleil et la pupe et le cœur. Dernier shoot, dernière goutte de saké et de sperme secoué pour lutter, lui sacré. Toi mon kamikaze, mon cœur s'embrase, fouetté par le vent divin, j'embrasserai Dieu et c'est ça pour moi le kamikaze. La vie s'embrase, porté par le vent divin, là j'embrasse Dieu et le ciel. Au royaume dégueulasse.